Madame Majesté, que Pierre et Monsieur de Guersin n'avaient pas aperçu, penchée sur un registre où elle additionnait des comptes, intervint alors de sa voix aiguë. « L'année dernière, messieurs, nous avons gardé une voyageuse comme ça pendant 2 mois. Elle allait à la grotte, en revenait, y retournait, mangeait, se couchait. Et jamais un mot, toujours un sourire content. Elle a payé sa note sans même la regarder. Ah, des voyageuses pareilles, ça se regrette !» Elle s'était levée, petite, maigre, très brune, toute vêtue de noir, avec un mince col plat, et elle fit ses offres. « Si ces messieurs désirent emporter quelques petits souvenirs de Lourdes, il ne faut pas qu'ils nous oublient. Nous avons à côté un magasin où ils trouveront un grand choix des objets les plus demandés. Les personnes qui descendent à l'hôtel veulent bien d'habitude ne pas s'adresser autre part que chez nous. » Mais Majesté de nouveau hochait la tête de son air de bon catholique attristé par les scandales du temps. « Certes, je ne voudrais pas manquer de respect au révérend père, et pourtant, il faut bien le dire, ils sont trop gourmands. Vous avez vu la boutique qu'ils ont installée près de la grotte? Cette boutique toujours pleine où l'on vend des articles de piété et des cierges? Beaucoup de prêtres déclarent que c'est une honte et qu'il faut de nouveau chasser les vendeurs du temple. À ce qu'on raconte aussi, les pères commanditent le grand magasin qui est en face de chez nous, dans la rue, et qui approvisionne les petits détaillants de la ville. Enfin, si l'on écoutait les bruits, ils auraient la main dans tout le commerce des objets religieux. Ils prélèveraient 10% sur les millions de chapelets, de statuettes et de médailles qui se débitent par an à Lourdes. » Il avait baissé la voix, car ses accusations se précisaient, et il finissait par trembler de se confier ainsi à des étrangers. La douce figure attentive de Pierre le rassurait pourtant, et il continua, dans sa passion de concurrent blessé, décidé à aller jusqu'au bout. « Je veux bien qu'il y ait de l'exagération en tout ceci. Il n'en est pas moins vrai que c'est un grand dommage pour la religion de voir les révérends pères tenir boutique, comme le dernier de nous. Moi, n'est-ce pas? Je ne vais pas partager l'argent de leur messe, ni demander mon 10% sur les cadeaux qu'ils reçoivent. Alors, pourquoi se mettent-ils à vendre de ce que je vends? Notre dernière année a été médiocre à cause d'eux. Nous sommes déjà trop. Tout le monde trafique du bon Dieu à Lourdes, si bien qu'on n'y trouve même plus du pain à manger et de l'eau à boire. Ah, monsieur l'abbé, la Sainte Vierge a beau être avec nous autres, il y a des instants où les choses vont très mal. » Un voyageur le dérangea, mais il reparut au moment où une jeune fille venait chercher Madame Majesté. C'était une fille de Lourdes, très jolie, petite et grasse, avec de beaux cheveux noirs et une figure un peu large, d'une gaieté claire. « Notre nièce Apolline, » reprit Majesté. « Elle tient depuis 2 ans notre magasin. Elle est la fille d'un frère pauvre de ma femme. Elle gardait les troupeaux à Bartrès. Lorsque, frappée de sa gentillesse, nous nous sommes décidés à la prendre ici. Et nous ne nous en repentons pas. Car elle a beaucoup de mérite. Elle est devenue une très bonne vendeuse. » Ce qu'il ne disait pas, c'était que des bruits assez légers couraient sur Apolline. On l'avait vue, avec des jeunes gens, s'égarer le soir le long du gave. Mais, en effet, elle était précieuse. Elle attirait la clientèle. Peut-être à cause de ses grands yeux noirs qui riaient si volontiers. L'année d'auparavant, Gérard de Perrelongue ne quittait pas la boutique, et, seul, ses idées de mariage l'empêchaient sans doute de revenir. Il semblait remplacé par le galant abbé des Hermoises, qui amenait beaucoup de dames faire des emplettes. « Ah, vous parlez d'Apolline !» dit Madame Majesté de retour du magasin. « Messieurs, vous n'avez pas remarqué une chose ? Son extraordinaire ressemblance avec Bernadette ? Tenez, il y a là, au mur, une photographie de cette dernière quand elle avait 18 ans. » Pierre et Monsieur de Guersin s'approchèrent, tandis que Majesté s'écriait. « Bernadette, parfaitement ! C'était Apolline, mais en beaucoup moins bien, en triste et en pauvre. » Enfin, le garçon parut et annonça qu'il avait une petite table libre. Deux fois, Monsieur de Guersin était allé jeter vainement un coup d'œil dans la salle à manger, car il brûlait du désir de déjeuner et d'être dehors par ce beau dimanche. Aussi s'empressa-t-il, sans écouter davantage Majesté, qui faisait remarquer avec un sourire aimable que ces messieurs n'avaient pas attendu trop longtemps. La petite table se trouvait au fond. Ils durent traverser la salle d'un bout à l'autre. C'était une longue salle, décorée en chêne clair, d'un jaune huileux, mais dont les peintures s'écaillaient déjà, éclaboussées de taches. On y sentait l'usure et la souillure rapide sous le galop continu des gros mangeurs qui s'y attablaient. Tout le luxe consistait en une garniture de cheminée, la pendule reluisante d'or, flanquée des deux candélabres maigres. Il y avait aussi des rideaux de guipure aux cinq fenêtres, ouvrant sur la rue en plein soleil. Des stores baissés laissaient quand même entrer des flèches ardentes. Et au milieu, 40 personnes étaient assises à la table d'hôte, longue de 8 mètres, et qui pouvaient, avec peine, en contenir 30. Tandis que, aux petites tables, à droite et à gauche, le long des murs, une quarantaine d'autres convives se serraient, bousculés au passage de chacun des trois garçons. Dès l'entrée, on restait assourdi d'un brouhaha extraordinaire, d'un bruit de voix, de fourchettes et de vaisselle. Et il semblait qu'on pénétrât dans un four humide, le visage fouetté d'une buée chaude, chargée d'une odeur suffocante de nourriture. Pierre, d'abord, n'avait rien distingué. Puis, quand il se trouva installé à leur petite table, une table de jardin rentrée pour la circonstance et où les deux couverts se touchaient, il fut troublé, un peu écœuré même, par le spectacle de la table d'hôte qu'il enfilait d'un regard. Depuis une heure, on y mangeait, deux fournées de voyageurs s'y étaient succédées et les couverts s'en allaient à la débandade, des taches de vin et de sauce salissaient la nappe. On ne s'inquiétait déjà plus de la symétrie des compotiers décorant la table. Mais surtout, le malaise venait de la cohue des convives, des prêtres énormes, des jeunes filles grêles, des mamans débordantes, des messieurs très rouges et seuls, des familles à la file, alignant des générations d'une laideur aggravée et pitoyable. Tout ce monde suait, avalait gloutonnement, assis de biais, les bras collés au corps, les mains maladroites. Et dans ces gros appétits décuplés par la fatigue, dans cette hâte à s'emplir pour retourner vite à la grotte, il y avait, au centre de la table, un ecclésiastique corpulent qui ne se pressait pas, qui mangeait de chaque plat avec une sage lenteur, d'un broiement digne de mâchoire ininterrompu. « Fichtre !» dit Monsieur de Guersin. « Il ne fait pas froid ici. Je vais quand même manger volontiers, car je ne sais pas, depuis que je suis à Lourdes, je me sens toujours l'estomac dans les talons. Et vous, avez-vous faim ?»« Oui, oui, je mangerai, » répondit Pierre, qui avait le cœur sur les lèvres. Le menu était copieux. Du saumon, une omelette, des côtelettes à la purée de pommes de terre, des rognons sautés, des choux-fleurs, des viandes froides et des tartes aux abricots. Le tout trop cuit, noyé de sauce, d'une fadeur relevée de graillons. Mais il y avait d'assez beaux fruits sur les compotiers, des pêches superbes. Et les convives, d'ailleurs, ne semblaient pas difficiles, sans goût, sans nausée. Une délicate jeune fille, charmante, avec ses yeux tendres et sa peau de soie, serrée entre un vieux prêtre et un monsieur barbu, fort sale, mangeait d'un air ravi les rognons, délavés dans l'eau grise qui leur servait de sauce. « Ma foi, » reprit Monsieur de Guersin lui-même, « il n'est pas mauvais ce saumon. Ajoutez donc un peu de sel, c'est parfait. » Et Pierre dut manger, car il fallait bien se soutenir. À une petite table près de la leur, il venait de reconnaître Madame Vigneron et Madame Chaise. Ces dames attendaient, descendues les premières, assises face à face. Et bientôt, Monsieur Vigneron et son fils Gustave parurent, ce dernier pâle encore, s'appuyant plus lourdement sur sa béquille. « Assieds-toi près de la tante, » dit-il. « Moi, je vais me mettre à côté de ta mère. » Puis, apercevant ses deux voisins, il s'approcha. « Oh, il est complètement remis. Je viens de le frictionner avec de l'eau de Cologne. Et tantôt, il pourra prendre son bain à la piscine. » Il s'attabla, dévora. Mais quelle alerte! Il en reparlait tout haut, malgré lui, tellement la terreur de voir partir son fils avant la tante l'avait secoué. Celle-ci racontait que, la veille, agenouillée devant la grotte, elle s'était sentie brusquement soulagée, et elle se flattait d'être guérie de sa maladie de cœur. Elle donnait des détails précis que son beau-frère écoutait, avec des yeux ronds, involontairement inquiet. Certes, il était un bon homme, il n'avait jamais souhaité la mort de personne. Seulement, une indignation lui venait à l'idée que la Sainte Vierge pouvait guérir cette femme âgée en oubliant son fils, si jeune. Il en était déjà aux côtelettes, il engloutissait de la purée de pommes de terre à fourchette pleine, lorsqu'il crut s'apercevoir que Madame Chaise boudait son neveu. « Gustave, dit-il tout d'un coup, est-ce que tu as demandé pardon à ta tante ?» Le petit, étonné, ouvrit ses grands yeux clairs dans sa face amincie. « Oui, tu as été méchant, tu l'as repoussée là-haut quand elle s'est approchée de toi. » Madame Chaise, très digne, se taisait, attendait. Tandis que Gustave, qui achevait sans fin la noix de sa côtelette coupée en petits morceaux, restait les yeux baissés sur son assiette, s'entêtant cette fois à se refuser au triste métier de tendresse qu'on lui imposait. « Voyons, Gustave, sois gentil, tu sais combien ta tante est bonne et tout ce qu'elle compte faire pour toi. » Non, non, il ne céderait pas. Il l'exécrait en ce moment, cette femme qui ne mourait pas assez vite, qui lui gâtait l'affection de ses parents, au point qu'il ne savait plus, quand il les voyait s'empresser autour de lui, si c'était lui qu'il voulait sauver ou bien l'héritage que son existence représentait. Mais Madame Vigneron, si digne, se joignit à son mari. « Vraiment, Gustave, tu me fais beaucoup de peine. Demande pardon à ta tante, si tu ne veux pas me fâcher tout à fait. » Et il céda. Pourquoi lutter? Ne valait-il pas mieux que ses parents eussent cet argent? Lui-même, ne mourrait-il pas à son tour, plus tard, puisque cela arrangeait les affaires de la famille? Il savait cela, il comprenait tout, même les choses qu'on taisait. Tellement la maladie lui avait donné des oreilles subtiles qui entendaient les pensées. « Ma tante, je vous demande pardon de n'avoir pas été gentille avec vous tout à l'heure. » Deux grosses larmes roulèrent de ses yeux, tandis qu'il souriait de son air d'homme tendre et désabusé, ayant beaucoup vécu. Tout de suite, Madame Chaise l'embrassa, en lui disant qu'elle n'était pas fâchée. Et dès lors, la joie de vivre des vignerons s'étala en toute bonhomie. « Si les rognons ne sont pas fameux, dit M. de Guersin à Pierre, voici vraiment des choux-fleurs qui ont du goût. » Et d'un bout à l'autre de la salle, la mastication formidable continuait. Jamais Pierre n'avait vu manger à ce point, et dans une telle sueur, dans un tel étonnement, touffement de buanderie ardente. L'odeur de la nourriture s'épaississait, ainsi qu'une fumée. Pour s'entendre, il fallait crier, car tous les convives causaient très haut, pendant que les garçons, ahuris, remuaient la vaisselle à la volée. Sans compter le bruit des mâchoires, un broiement de meules qu'on saisissait distinctement. Ce qui blessait de plus en plus le jeune prêtre, c'était la promiscuité extraordinaire de cette table d'hôte, où les hommes, les femmes, les jeunes filles, les ecclésiastiques se tassaient au petit bonheur de la rencontre, assouvissant leur faim comme une meute lâchée qui happe les morceaux en hâte. Les corbeilles de pain circulaient, se vidaient. Il y eut un massacre des viandes froides. Tous les débris des viandes de la veille, du gigot, du veau, du jambon, entourés d'un éboulement de gelée claire. On avait déjà trop mangé, et ces viandes pourtant réveillaient les appétits, dans la pensée qu'il ne fallait laisser de rien. Le prêtre beau mangeur, au milieu de la table, s'attardait aux fruits, en était à sa troisième pêche, des pêches énormes, qu'il pelait lentement et avalait par tranches avec componction. Mais une émotion agita la salle. Un garçon distribuait le courrier dont Madame Majesté avait achevé le tri. « Tiens, dit Monsieur Vigneron, une lettre pour moi. C'est surprenant, je n'ai donné mon adresse à personne. » Puis il se souvint. « Ah si, ça doit être de Sauvageau qui me remplace aux finances. » Et la lettre ouverte, ses mains se mirent à trembler. Il eut un cri. « Le chef est mort !» Madame Vigneron, bouleversée, ne sut pas retenir sa langue. « Alors, tu vas être nommée ?» C'était leur rêve caché, caressé, la mort du chef de bureau, pour que lui, sous-chef depuis 10 ans, pût enfin monter au grade suprême, son maréchalat. Et sa joie était si forte qu'il lâcha tout. « Ah, ma bonne amie, la Sainte Vierge est décidément avec moi. Ce matin encore, je lui ai demandé mon avancement, et elle m'exauce !» Soudain, il sentit qu'il ne fallait pas triompher ainsi, en rencontrant les yeux de Madame Chaise fixés sur les siens et en voyant son fils Gustave sourire. Chacun dans la famille faisait sûrement ses affaires, demandait à la Vierge les grâces personnelles dont il avait besoin. Aussi se reprit-il de son air de brave homme. « Je veux dire que la Sainte Vierge nous aime bien tous et qu'elle nous renverra tous satisfaits. Ah, ce pauvre chef, ça me fait de la peine. Il va falloir que j'envoie une carte à sa veuve. » Malgré son effort, il exultait. Il ne doutait plus de voir accompli enfin ses plus secrets désirs, ceux même qu'il ne s'avouait pas. Et les tartes aux abricots furent fêtées. Gustave eut la permission d'en manger une petite part. « C'est surprenant, fit remarquer à Pierre Monsieur de Guersin, qui s'était fait servir une tasse de café. C'est surprenant qu'on ne voit pas ici plus de malades. « Ce tas de monde m'a l'air vraiment d'avoir un riche appétit. » Cependant, en dehors de Gustave, qui ne mangeait que des miettes comme un petit poulet, il avait fini par découvrir un goitreux assis à la table d'hôte, entre deux femmes, dont l'une était certainement une cancéreuse. Plus loin, une jeune fille semblait si maigre, si pâle, qu'on devait soupçonner une phtisique. Et en face, il y avait une idiote, qui était entrée, soutenue par deux parentes, et qui, les yeux vides, le visage mort, avalait maintenant sa nourriture à la cuillère, en bavant sur sa serviette. Peut-être se trouvait-il encore d'autres malades, noyés au milieu de ces faims bruyantes, des malades que le voyage fouettait, qui mangeaient comme ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Les tartes aux abricots, le fromage, les fruits, tout s'engouffrait dans la débandade du couvert, et il n'allait rester que les taches de sauce et de vin élargies sur la nappe. Il était près de midi. « Nous retournerons tout de suite à la grotte, n'est-ce pas ?» dit Monsieur Vigneron. On n'entendait d'ailleurs que ces mots. « À la grotte ! À la grotte !» Les bouches pleines se dépêchaient, revenait aux prières et aux cantiques. Ma foi, déclara Monsieur de Guersin à son compagnon, puisque nous avons l'après-midi devant nous, je vous propose de visiter un peu la ville, et je vais m'occuper de trouver une voiture pour mon excursion à Gavarnie, puisque ma fille le désire. Pierre, qui suffoquait, fut heureux de quitter la salle à manger. Sous le porche, il respira. Mais il y avait là un flot nouveau de convives, faisant queue, attendant des places, et on se disputait les petites tables, le moindre trou à la table d'hôte se trouvait immédiatement occupé. Pendant plus d'une heure encore, l'assaut continuerait, le menu défilerait et s'engloutirait au milieu du bruit des mâchoires, de la chaleur et de la nausée croissante. « Ah, pardon, il faut que je remonte !» dit Pierre. « J'ai oublié ma bourse !» Et en haut, dans le silence de l'escalier et des couloirs déserts, il entendit un léger bruit, comme il arrivait à la porte de sa chambre. C'était, au fond de la pièce voisine, un rire tendre qui avait suivi le choc trop vif d'une fourchette. Puis il y eut, insaisissable, plutôt deviné que perçu, le frisson d'un baiser, des lèvres se posant sur d'autres lèvres pour les faire taire. Le monsieur seul, lui aussi, déjeunait.